Au milieu coule une rivière, l'eau calme d'un canal. Dans cette vallée pleine de chats, cet abri de verdure, l'eau coule doucement, en juste au pied de ce mur, au pied de ce village baigné de lueurs ancestrales. Au milieu coule une rivière, l'eau calme d'un canal. Ensemble, avoir cette vallée n'a pas eu pleine de chats, de prises sur ses cadavres et de verdure. L'ontier coule des murs de doucement rallongé, juste au pied résistant de ses murs, aux affronts et au vent, au pied de ce village baigné de lueurs ancestrales. Comme de ceux qui vivent là et là, même quand le temps semble comme une avoir ne sort pas eu de prise sur des éclaireurs qui tâchent et les murs de granulite d'un résiste aux affronts trailleurs. Et au vent, la meute de ceux qui vivent là, la même pendant comme une sorte d'héritage venu d'un autre animateur. Ensemble, si solide, bâtie, les mortes pierres, mais ensemble, si. Si elles veulent solide, bâtie de la forte pression. Si elles veulent, l'impression défier le temps. Qu'elles vont parce qu'elles fient les habitants. Dans leur sein des années de prière. C'est parce qu'elles de village habitants. Leur semble le sein des âmes, pas craindre et de prière. Les colères du vent, le village gens. Semble ne pas craindre les colères du vent. Partout les arbres des forêts ont des allures. Ont des allures de prince, il sait les vaut aussi haut, comme on vieux que paye le montagne, et sans bon lettre vieux paye mille âmes, le montagne, un peu comme des mains, et ça de cocaïne en lettre mille âmes, arrosé, un peu comme des mains, chaque jour le bout d'une canne bruine, qui doucement les mains, arrosé, chaque jour d'une bruine qui doucement même si l'air est faible, il n'est jamais au stère, il a toujours en comme si pour lui, il est l'odeur venue du large et le frais aux grises du canal. Il n'a le pêche à mer qui court jusqu'à serre à la mer. Sans doute, il a toujours en aujourd'hui pour la lourdeur vide. Mais venue du large jour d'orage et l'eau grise du canal passe chaque jour dans la brume. Il coule les eaux juste au bout de ce qu'à la mer paye. Sans que tout et tout